Senda, salope, te bois, chocat, t'es l'autocar. Midi, départ, Paris, Neymar, Nasser, Qatar, voiture très rare. Benda, j'démarre, esprit, lemon, cheesy, DZ, Flixi, Jeezy. Rallye, pressing, musique, streaming, bouteille, parking. J'suis une moula, t'es moula, j'suis un esprit. Je t'aime, affranchi contre le game. Embrouille XL, terrain, ficelle. Raptas à toi, je vois des pixels. Hey, nous c'est les grands du quartier. Ouais, nous c'est les grands de la Tess. Problème, Balek, Brésil, Sadek, Benef, Chenef, Philippe, Patek. J'suis une moula, t'es une moula, j'suis un esprit. Les magiques, tartin génial, poli spécial, safran, mégane, stomy, vegan, régal, siroc, belvé, grégousse, VG, repu, séché, dolce, versace, c'est léger. Coffrette, pétage, fichier, garde à dépôt, bien équipé. J'suis une moula, t'es une moula, j'suis un esprit. T'es une moula.